Rage de César. L'homme pâle, le long des pelouses fleuries, chemine en habit noir et le cigare aux dents. L'homme pâle repense aux fleurs des Tuileries et parfois son œil terne à des regards ardents. Car l'empereur est saoul de ses 20 ans d'orgie. Il s'était dit « Je vais souffler la liberté, bien délicatement, ainsi qu'une bougie. » La liberté revit. Il se sent éreinté. Il est pris. Oh, quel nom sur ses lèvres muettes tressaillent. Quel regret implacable le mord. On ne le saura pas. L'empereur a l'œil mort. Il repense peut-être au compère en lunettes et regarde filer de son cigare en feu comme au soir de Saint-Cloud un fin nuage bleu.